Radiomatique. C'est le projet français Dernière Volonté qui lançait cette transmission 339 d'Audiomatique grâce à la pièce intitulée Le plus secret de l'album Immortel. C'est avec la formation autrichienne L'âme immortelle que cette transmission 339 d'Audiomatique se poursuit. We'll be right back. À Audiomatique, vous entendiez le groupe italien Cider Artica, qui est mené par Elena Alice Fossi, membre de la formation Kirlian Camera. Du premier album de Cider Artica intitulé Night Parade, lancé en 2002, nous vous présentions la chanson Arkhangelsk. Et pour débuter, le groupe autrichien L'âme immortelle nous offrait la chanson Love is Lost, tirée de leur deuxième album In Inner Zukunft Haustrennen Unstall, paru en 1998. Et Audiomatique se poursuit maintenant sur la musique de la formation Goldfrapp. Mountain. turn me away, away from your actions. Forced by the violence that always surrounds you, I want your special smile, a smile in this crowd. I want your special smile, a smile in this crowd. You burnt yourself out in that silence. I have to tell you, I ache for you still. The sound of my words is always so shocking. They get much louder each time I speak. I want your special smile, a smile in this crowd. I want your special smile, a smile in this crowd. À Audiomatic, on vient d'entendre la formation Lalipuna et la pièce 50 Faces Off, tirée de leur deuxième album Scary World Theory, paru en 2001. Avant, c'était bien sûr Martin L. Gore en solo, membre de la formation Depeche Mode, de qui nous entendions la pièce Smile in the Crowd, apparaissant sur le Counterfeit EP, publié en 1989. Et en début de séquence musicale, c'était la formation Goldfrapp avec Airy Trees, une composition disponible sur l'album Black Cherry. Pour la suite d'Audiomatic, les sonoristes vous proposent le projet américain Blink Twice. The rest. Il s'agissait à Audiomatic du projet Blink Twice mené par Robert Salchak qui nous interprétait sa composition Search for Truth 1 and 2, extraite de son album The Demon Haunted World sorti en 1999. La transmission 339 d'Audiomatic prendra fin sur la musique du projet suédois Sephiroth, duquel nous entendrons la pièce de Moongate tirée du premier album intitulé Cathedron, paru en 1999. Nous préférerions grandement que vous syntonisiez le 89.1 sur la bande FM mercredi prochain à 17h pour écouter la transmission 340 d'Audiomatic en direct afin de rendre le moment présent encore plus signifiant pour nous. Mais nous comprendrons si jamais vous préférez consulter nos archives sur nos plateformes facebook.com/audiomatic-cfou et mixcloud.com/audiomatic afin de reproduire ce qui aura été diffusé en temps réel dans un espace-temps correspondant davantage à vos disponibilités. Donc pour terminer, voici Sephiroth et The Moongate. C'était Audiomatic avec les Sonoristes.